quelles sont ces cloches dans la nuit? Les cloches qui sonnent le glas. Et qui invitent les bonnes âmes à prier pour Jeanne d'Arc? Hérétique, sorcière, cruelle, relapse. Merci, bonne cloche, mes sœurs, mes amis, mes voix qui s'étaient tues. Les voilà de nouveau qui parlent. La cloche noire et la cloche blanche. Catherine et Marguerite, je les reconnais. La Catherine qui dit des profondis et la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit papa, maman. Comme je les écoutais jadis à Don Rémy, la Catherine et la Marguerite. Jésus, Marie, j'ai écrit ces deux noms sur ma jolie bannière bleue et blanche. Jésus, Marie, Catherine et Marguerite. Et moi, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle en oubliait de manger sa tartine. J'irai, je vais, je suis allée. Où est ma bonne épée?